qu'est-ce qui nous dit que la matrice dont nous voulons nous échapper n'est pas mieux que ce qu'il y a de l'autre côté? Ben, pourquoi vous échappez de la matrice? Moi, j'ai jamais parlé de s'échapper d'une matrice. Hein? Moi, je parle d'intégrer les lois. Moi, à mes yeux, c'est pas irréel. Hein? Le plan matériel ou ce que les gens appellent ce qui est irréel, ce qui est la vraie matrice, c'est la subjectivité de l'intellect. C'est la subjectivité psycho-affective de la façon de traiter l'information qui engendre ensuite des mouvements qui sont évolutifs, qui tournent en rond. Donc, puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est pas cloisonné comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bien, pour certains, c'est l'astral. Dans le sens qu'ils vont être une mémoire enregistrée, puis c'est tout, là. En tout cas.